François Morel. Bonjour. Rebonjour. C'est à vous, François. Alors j'y vais. Je pense à autre chose, dis donc. François. Oui, mais par vous. Quelle alors, chance. Vous le savez. Pour conclure cette saison si mouvementée, si bouleversée, je voudrais juste évoquer une image, celle de cette violoncelliste de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, accrochée ce 8 janvier 2015 à son instrument comme à une bouée. L'orchestre s'apprêtait à jouer le deuxième mouvement de la 7e symphonie de Beethoven, en hommage aux victimes, et cette violoncelliste pleurait, ne pouvait pas s'empêcher de pleurer. Elle pleurait toutes les larmes de son corps, elle pleurait des rivières de tristesse, elle pleurait des torrents de chagrin. Un chagrin profond, terrible, insurmontable, inconsolable, et que chacun dans le grand auditorium de la maison de la radio pouvait comprendre, pouvait partager, puisque c'était le sien. Le sien, précisément, qui s'exprimait à travers ses larmes qui coulaient continuellement, résolument, obstinément. Quand l'orchestre joue, on regarde surtout le chef, on admire ses amples mouvements, on épie ses gestes de complicité, on guette ses ralentis et ses accélérés, on surveille le moment où il se penche, où il se courbe, où il s'amenuise quand les instruments chuchotent à l'unisson de son raffinement, on admire ses envolées lyriques, quand la musique éclate, quand les bras montent au ciel pour accompagner une précipitation, une chevauchée, une cavalcade. Mais on regarde peu chaque instrumentiste qui ne doit rien dévoiler de sa vie, qui ne doit rien dire de son inquiétude à cause du petit déposé quand même ce matin à la crèche alors qu'il n'avait pas bien dormi, qu'il couvait peut-être une angine ou les oreillons. On regarde peu chaque musicien qui ne doit rien révéler chaque fois que le téléphone vibre dans la poche de son appréhension à cause du père qui est devenu un très vieux monsieur et qui habite loin d'ici vers Montpellier, qui refuse d'aller dans une maison de retraite mais qui n'arrive plus à s'arranger tout seul. On regarde peu chaque artiste qui doit être au service de l'émotion des autres, l'émotion du compositeur, qui plus de 2 siècles auparavant, une nuit d'inspiration frénétique, a écrit cette symphonie, celui du chef qui à chaque fois doit la réinventer comme si elle naissait dans l'instant. Mais ce jour-là, la violoncelliste pleurait et ses larmes étaient les nôtres, les larmes de ceux qui n'arrivent pas à se résoudre qu'un peu plus d'amour, de compassion, de compréhension, un peu plus d'humanité ne soit pas possible sur Terre. Débusquer l'espoir, partager l'émotion et chercher l'humour malgré tout, vaille que vaille. Jean-Yann aimait évoquer Jeanne d'Arc. Il assurait que sur la place du marché de Rouen, devant son bourreau Geoffroy Terrage, tandis qu'on commençait à mettre le feu sous le bûcher, les derniers mots de Jeanne furent éblouissants de simplicité, chargés d'un espoir surhumain. Je rigolerai qu'il pleuve. François Morel, merci pour les derniers mots de ce billet de votre saison. François, merci à vous.